Toute seule, par André Théoriet. Chapitre 1er, chez l'huissier. Il fait une splendide matinée d'août, un de ces radieux matins où le ciel bleu, les nuages et le soleil semblent s'entendre pour répandre harmonieusement sur toute chose l'ombre et la lumière. Sur le quai des Augustins, où les hautes façades des vieux logis maintiennent encore une demi-obscurité pleine de fraîcheur, une légère brise retrousse les feuilles des platanes et des peupliers. À travers la feuillée frissonnante, par-dessus le parapet, où des nez fureteurs plongent dans les cases des bouquinistes, la scène ensoleillée apparaît avec des chatoiements argentés. Les marchandes de fleurs poussent leurs brouettes embaumées d'œillets rouges, de jasmin et d'héliotropes. Tous les cris du Paris matinal se détachent sur la basse bourdonnant des roulements de voitures et montent en l'air, mêlés aux sifflements aigus des martinets et aux sonneries éparses des cloches d'église. Il y a de la joie partout. Dans le ciel, dans l'eau, sur la terre. Il n'y a que moi qui ne sois pas gai. Je chemine d'un pas déjà maussade et fatigué. Je grogne en dedans contre le soleil, contre les flâneurs qui obstruent le trottoir, contre les omnibus qui passent tous complets, roulant inondés de clarté sur les ponts et s'enfonçant rapidement dans les rues plus sombres. Je bougonne surtout contre cette corvée qui m'attend là-bas, tout là-bas, chez cet huissier qui demeure au bout de la rue Saint-Denis, et où M. Laguépierre m'a donné rendez-vous à 9h30. Il s'agit d'un référé à signer. Autant que j'ai pu le comprendre, c'est un nouvel expédient dilatoire imaginé par mon mari pour arrêter une saisie qui nous menace tous deux, lui comme débiteur principal et moi comme caution. Il a touché l'argent naturellement, et selon son habitude, il a oublié de payer les intérêts. La créance est hypothéquée sur ce pauvre petit domaine du Chanois que je lui ai apporté en dot. De sorte que je me trouve mêlé une fois de plus à ce tripotage procédurier qui m'effraie et qui m'énerve. Je suis furieuse de ce nouveau tour de mon ingénieux et peu scrupuleux époux, et tout en allant au rendez-vous, je maugrais entre mes dents. Cette fois, ce sera le dernier. Certainement, ce sera le dernier. Je passe devant les halles. La cloche de 9h vient de sonner. Les petits marchands se hâtent d'enlever les tas de choux, de carottes, de salades qui jonchent le trottoir. Tout ce quartier est gai, remuant, imprégné d'une salubre et réjouissante odeur campagnarde. Mais rien ne peut secouer mon humeur mélancolique. Au contraire, ces légumes verts en monceaux me font repenser à mon pauvre Chanois, où je ne récolte pas même une feuille de chou. Grâce à M. Laguépierre, le Chanois ne me rapporte pour le quart d'heure que des feuilles de papier timbrées. Je presse le pas et j'entre dans la rue Saint-Denis, humide, noire, grouillant de gens affairés. Au bout de 5 minutes, je reconnais de loin sur le trottoir mon aimable mari. Il brandit sa canne avec des airs juvéniles et conquérants en se promenant devant la maison de l'huissier. Il m'aperçut, lui aussi, mais il ne fait pas d'abord mine de me voir. D'un coup de tête sec, il rajuste son cou entre les pointes de son col cassé, fait saillir ses manchettes en secouant brusquement les bras, et quand il sent qu'il est tout à fait au point, il daigne m'apercevoir. Il s'avance d'un air dégagé et me salue d'un « Ah, te voilà !» comme s'il s'agissait d'une partie de plaisir. Nous entrons. Il monte, leste comme un écureuil dans sa jaquette d'alpaga noire. Il a la tournure ridiculement jeune et nullement d'accord avec ses yeux aux paupières ridées et son cou plissé. Je le suis à distance. L'escalier est obscur et boueux. À l'entresol, la loge du concierge, d'où s'exhale une odeur de chou-fleur au gratin. Au premier, une plaque avec ces mots, externat de jeunes demoiselles, et à travers la porte, un bourdonnement sourd d'enfants apprenant tout ensemble leur leçon à mi-voix. Enfin, au second, une plaque d'huissier, ovale, en cuivre terni, et au-dessous, l'inscription sacramentelle « Tournez le bouton, SVP ». Monsieur Laguépierre tourne le bouton et passe le premier. Voilà un homme qui sait se présenter chez un huissier. Il entre, le corps et la jambe gauche en avant, gracieux au possible, la bouche en cœur, le chapeau à la main. Moi, je le suis, l'oreille basse comme une condamnée. L'huissier, maître Plumarel, est déjà parti en récollement, et nous nous trouvons en présence du premier clerc. Un homme d'une 50aine d'années, ayant une grosse tête chauve, de gros yeux ronds, des lèvres épaisses, d'épais sourcils en broussailles, une voix rude, et avec tout cela, l'air fin et entendu. Il est assis devant un bureau en acajou protégé par une balustrade peinte en noir. Sur le bureau sont amoncelés des papiers timbrés que je connais trop bien, hélas, grâce à l'expérience que j'ai acquise depuis que je suis en ménage. Je pourrais les nommer l'un après l'autre, sans les lire. Cette feuille simple, pliée en forme de lettre de faire-part, c'est un commandement. Cette double feuille, avec un en-tête en lettres gothiques, c'est une assignation au tribunal de commerce. Et ce cahier, noué en haut et en bas, avec de la ficelle rouge, c'est une signification de jugement. Je regarde cela du coin de l'œil, et toutes les méchantes affaires qui m'ont procuré les frasques de M. Laguépierre me reviennent à la mémoire. « Asseyez-vous, » dit brusquement le maître clerc. « Votre référé n'est pas encore prêt. » Et M. Laguépierre s'assied avec un geste obséquieux de la main, signifiant qu'il n'est pas pressé. Il y a une chaise près de lui, mais je la laisse vide et je vais me rencogner dans un angle près d'un poêle poudreux dont le marbre est orné d'une carafe sale, au goulot moucheté de taches blanches et au ventre plein d'une eau jaunâtre. Cette carafe, sans un verre, me rend rêveuse. Est-ce que les clercs y boivent tous à même? J'examine l'étude. Elle est éclairée par un jour cru qui tombe d'une haute fenêtre ouverte sur une cour borgne. Perpendiculairement à cette fenêtre, le long d'une table appuyée au mur, sont alignés trois pupitres peints en noir, et sur deux de ces pupitres sont courbés deux hommes aux vêtements râpés qui écrivent très vite. On entend le grincement de leurs plumes qui courent sur le papier timbré. Ils travaillent sans lever la tête, avec un acharnement anxieux, comme s'ils craignaient de n'arriver jamais au bout de leurs écritures. Dans l'angle qui fait face à la niche du maître clerc se dresse un autre bureau en chêne, recouvert d'une moleskine éraillée et encombré de cartons verts. Là est assis un jeune clerc ayant une bonne figure provinciale, de clairs yeux bruns naïfs, des cheveux noirs taillés en brosse, et une moustache qui laisse voir une bouche franche et spirituelle, sa mise propre, sans être élégante, et sa mine honnête, presque ingénue, contraste avec les têtes mal peignées et les sordides vêtements des deux expéditionnaires acharnés à leur besogne. C'est le second clerc. Il est chargé de préparer le référé et il écrit sous la dictée de son collègue. J'entends des lambeaux de la phraséologie judiciaire. Estelle Noémie Geneviève passera, épouse séparée de biens du dit Raoul Lancelot de Laguépierre, etc. De biens seulement ? Demande le maître clerc en s'adressant à mon mari par-dessus la balustrade. « De bien seulement, oui, monsieur, » répond celui-ci avec un sourire qui soulève sa moustache teinte, entrebâille ses lèvres minces et montre une double rangée de dents aiguës. « Je l'aurais tué. » La porte s'ouvre et un petit homme trapu, à la mine dévastée, fait son entrée. Sa personne malpropre est comme imprégnée d'une odeur de misère et de vice. Sa barbe et ses cheveux moutonnants sont d'un gris sale. Son pantalon est frangé et ses souliers n'ont pas été décrottés depuis 8 jours au moins. Il a un gilet à châle, trop court, à carreaux bleus et café au lait. Les manches et le collet de son paletot jaunâtre sont horriblement luisants. C'est le colleur d'affiche. Le maître clerc lui lance un regard froid et ironique. « Déjà, vous ne vous foulez pas, vous, » lui crie-t-il. « Vous en prenez à votre aise. On voit que vous avez des rentes. » Les deux acharnés gratte-papier s'arrêtent un instant pour sourire en regardant le maître clerc. Puis leurs plumes se remettent à courir comme pour attraper le temps perdu. Ils écrivent avec rage, le bout de leur nez frôlant presque le papier. Pendant ce temps, sans s'émouvoir, le colleur ôte son chapeau de paille, le remplace par une casquette de soie noire graisseuse. Il semble blasé sur les sarcasmes qu'on lui lance. Il tire placidement de la poche de son paletot un grand morceau de pain et une charcuterie quelconque, enveloppée dans un feuillet de registre, et il dépose avec précaution le tout au fond de son chapeau. Puis se retournant vers le maître clerc, il demande d'un ton grincheux « Où sont les affiches ?»« Là, dans le casier, toujours à la même place. »« À la même place, à la même place, » bougonne le colleur, « on aurait pu les mettre autre part. »« Oui, mais on les a mises là, là. »« Entendez-vous, Benjamin ?» s'écrie le premier clerc impatienté. « C'est bon, » répond l'autre. Il prend une liasse de papier d'un rose tendre qu'il soupèse dédaigneusement. « Il n'y a que ça, en voilà une propre journée. »« Jamais content. » murmure ironiquement le premier. « Allons, à votre place, vieux, et pas d'aboiement. » Le vieux s'assied à son pupitre et, toujours grognant, se met en devoir de collationner les papiers timbrés avec les affiches. La porte s'ouvre de nouveau et livre passage à un brave homme qui s'approche timidement du maître clerc. Il apporte un petit acompte et demande 2 jours de délai pour le reste. « Impossible !» réplique le principal d'un ton bourru, tout en comptant l'argent. « Je ne puis prendre cela sur moi. Je ne suis que le premier clerc. »« Mais monsieur, objecte le pauvre diable, je ne demande que 2 jours. »« Que 2 jours, comme vous y allez ?»« Et pendant ce temps, votre créancier languit. »« Oh, monsieur, il a les moyens d'attendre. Il est riche. »« Il n'y a pas de riches qui tiennent. Revenez à 2 heures. » M. Plumerel vous recevra après son déjeuner, et s'il veut vous donner du délai, ça le regarde. Moi, je m'en lave les mains. « Mais monsieur, c'est aujourd'hui à midi qu'on me vend !» s'exclama le solliciteur en jetant à droite et à gauche un regard désespéré. « Je n'y puis rien !» répète l'autre en haussant les épaules. « Bonjour !» Et le pauvre homme s'en va, la tête basse et l'air navré. Pendant ce colloque, j'entends dans une pièce à côté une fraîche voix de jeune femme ou de jeune fille fredonnant la valse des roses. La voix charmante et bien timbrée va et vient d'un coin à l'autre de la pièce voisine, et je me représente la fille de l'huissier, en peignoir clair, faisant de gentils rangements à travers sa chambre, mettant des fleurs dans l'eau et poussant des bibelots. Quel contraste entre ce pauvre diable qui s'en va et cette jeunesse qui chante! Comment les huissiers peuvent-ils avoir de jolies filles possédant une aussi délicieuse voix? Le son de cette voix fraîche me reporte au temps où j'étais, moi aussi, une jeune fille insouciante, et où je chantais, en coupant des roses dans le petit jardin du chanois. Je leur vois notre maïs, avec ses pommiers moussus, ses plants d'artichauts, ses plates-bandes bordées d'œillets, et ma première jeunesse se lève devant mes yeux. Je n'étais pas heureuse tous les jours pourtant, et la maison n'était pas des plus gaies. On n'est jamais bien gai quand on n'a qu'une médiocre aisance et qu'on joint difficilement les deux bouts. Ma mère, vaniteuse et dépensière, ne visait qu'à éblouir nos voisins et à paraître riche. Mon père, très serré et regardant, tout occupé de ses bêtes et de ses terres, nous rudoyait quand les récoltes étaient mauvaises et criait comme un paon quand on lui présentait des mémoires à payer. Le ménage allait cas un cas, mais j'étais à l'âge où l'on voit tout couleur d'arc-en-ciel. Bien qu'on n'eût qu'une maigre dot à me donner, j'aurais pu alors épouser un brave garçon, fils de gros cultivateur, qui m'aurait prise pour mes beaux yeux, sans trop regarder à l'argent. Mais ma mère avait horreur des campagnards et voulait que sa fille épousât un homme du monde. Dans cet espoir, on me menait à tous les bals de la préfecture voisine, et c'est là que je rencontrai M. Laguépierre. Il était parisien et portait une décoration étrangère qui avait de faux airs de la Légion d'honneur. De plus, il mettait sur ses cartes Vicomte Lancelot de Laguépierre et prétendait descendre du fameux chevalier qui a donné son nom au valet de trèfle. De là vient sans doute son amour pour le baccarat et la bouillotte. C'était dans le sang. Cette illustre descendance et ce titre de vicomte avaient de quoi séduire ma mère. Elle fut éblouie par les façons et la langue dorée de M. Laguépierre. On se saigna pour me marier au descendant de Lancelot, auquel j'apportais en dot mes 20 ans et la nue propriété du chanois. Le pire, c'est que je me laissais unir sans trop de résistance à un homme qui avait le double de mon âge et qui, déjà à cette époque, se teignait les cheveux et la barbe. J'étais las des scènes domestiques et de la mauvaise humeur paternelle. La perspective de vivre à Paris m'avait fasciné, comme ma mère avait été séduite par l'idée d'avoir une fille vicomtesse, et songeait que les 3/4 des mariages se bâclent de la sorte. J'en ai bien rabattu depuis 7 ans, et je pleure toutes les larmes de mes yeux, en songeant à mon bon temps du chanois. Oh, pendant ces 7 années, quelle lamentable enfilade de déboires, de querelles et de concessions humiliantes. Après 3 mois de mariage, le descendant du valet de trèfle avait hypothéqué le chanois et m'avait brouillé avec ma famille. Il était rongé de dettes, passait ses nuits au jeu et ses journées à des tripotages d'affaires louches. Et cela dure toujours. Tous les huissiers de Paris connaissent notre adresse et nous vivons continuellement entre un proté et une saisie. Mais je suis à bout de patience. J'en ai assez de cette vie où les scènes avec les créanciers alternent avec les scènes que me fait M. Laguépierre quand il rentre, décavé, au petit matin. Un avoué que j'ai consulté m'a dit que j'avais 20 fois de quoi faire prononcer ma séparation de corps. S'il m'était venu des enfants, j'aurais hésité, mais je suis seul, et je suis décidé à prendre un grand parti. L'hiver prochain, nous ne nous entendrons plus nous quereller au coin de notre agréable foyer, et cette corvée d'aujourd'hui sera certainement la dernière que je subirai. J'aime mieux être dame de compagnie, institutrice, n'importe quoi, que de passer le restant de mes jours sous le même toit que Lancelot de la Guépière. Et tout en ruminant mon projet, je ne puis m'empêcher de jeter un regard du côté de mon mari. Il a mis son pince-nez et le trois quarts, la main dans l'entournure du gilet, et lit le petit journal. Je me détourne avec un mouvement de colère, et en relevant la tête, j'aperçois deux yeux fixés sur moi. Deux yeux honnêtes et limpides, ceux du second clerc, le jeune homme aux cheveux coupés en brosse. Nos regards se rencontrent. Les siens ont une expression à la fois admirative et compatissante qui me déconcerte. Il rougit, et moi-même je me sens embarrassé. Depuis combien de temps est-il occupé à m'observer? J'ai une physionomie si sottement ouverte qu'on y lit comme dans un livre. Mes yeux, mes sourcils, les coins de mes lèvres miment mes plus secrètes pensées sans que j'en aie conscience. Assurément, il a saisi sur ma figure tout le mouvement de mes réflexions de tout à l'heure. Maintenant me voilà confuse et n'osant plus tourner les yeux de son côté, ce qui est fort gênant, car son bureau est juste en face de ma chaise. Heureusement, un incident survient qui me donne le temps de reprendre mon aplomb. Le soleil a tourné et il tombe du haut de la fenêtre de la cour en plein sur les trois pupitres alignés contre le mur. L'un des acharnés se lève, tire à lui le volet de gauche et se rejette sur sa besogne. Une quasi-obscurité règne dans l'étude. Le colleur, Benjamin, se trouve plongé dans une ombre peu propice à la collation des affiches. Il grogne d'abord sourdement, puis tout d'un coup monte sur son tabouret et avec sa règle repousse le volet qui va frapper le mur avec violence. Les deux acharnés poussent ensemble un cri de stupéfaction et ensemble, commus par la même mécanique, se tournent en matière de protestation vers le maître clerc. « Ah ça ! » crie ce dernier. « A-t-il bientôt fini, cet animal-là ? À la porte, le gêneur ! » !»« Je n'y vois pas !» grommelle le colleur en se rasseyant. « Le soleil ne me gêne pas, moi. Il me réchauffe, au contraire, que les autres ferment le volet qui est de leur côté. » « C'est juste, » riposte le premier clerc. « Allons, messieurs, et ayons des égards pour la vieillesse. À chacun son volet et qu'on se taise. » Le second acharné ferme le volet de droite, et Benjamin se trouve seul en plein soleil. Il en est aveuglé. Il se remue sur son siège, se met de biais, de profil, et recommence à marmonner. Puis brusquement, il remonte avec rage sur son tabouret et tire le volet de gauche. Nuit complète. Les deux acharnés poussent un nouveau cri, se lèvent comme un seul homme et en appellent au premier clerc. Celui-ci, qui n'y voit plus, lance alors un juron tellement énergique que Benjamin regrimpe précipitamment sur son tabouret, entrebâille également les deux volets et se rassied sans souffler. Le maître clerc reprend flegmatiquement la dictée de son référé, les plumes se remettent à grincer et tout rentre dans l'ordre. Au bout de 10 minutes, la dictée est terminée, mon acte est prêt, et le second clerc se lève pour me faire signer. En me tendant la plume, il rougit de nouveau. Je me hâte de mettre ma griffe sur le papier timbré. Monsieur Laguépierre signe à son tour d'un air solennel. « Nous gardons encore les pièces quelques jours, » me dit le maître clerc. Et désignant son second, il ajoute « Monsieur Pascal vous les apportera. » Monsieur Pascal incline son front en tête de loup et recule bruyamment sa chaise pour me laisser passer. Enfin, je puis donc partir. Je défrippe ma robe d'un coup de main, je reboutonne mon gant, tandis que les deux acharnés, sans quitter leur besogne, allongent de mon côté un œil blanc. Puis je sors de l'étude, la première cette fois, suivie à distance par M. Laguépierre, qui n'en finit pas de saluer. Au premier étage, nous rencontrons un monsieur d'assez bonne mine, vêtu de noir, avec des airs de ministre protestant. Il m'ôte son chapeau en passant, c'est Maître Plumerel, l'huissier. M. Laguépierre ne l'avait jamais vu, mais cet homme-là a un flair pour reconnaître les huissiers. Il l'aborde, il reste à causer un moment sur le palier. Je suis déjà sur le trottoir et je secoue moralement la poussière de mes pieds, quand mon mari me rejoint. Il prend son air aimable des jours de bonne veine et arrondissant le bras. « Eh bien, » fait-il en souriant, « tu vois, ce n'est pas la mer à boire. Où vas-tu ? » Sa réflexion et son sourire m'exaspèrent. Je réponds d'un ton sec, je rentre. Veux-tu que je te ramène en voiture ? Merci, dis-je de mon air le moins engageant. C'est assez d'une corvée pour aujourd'hui. Et je lui tourne le dos.